Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et le fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous vous offrons la conclusion de « L'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir » de l'auteur belge Alain Le Bussy, décédé le mois dernier. Hier, nous avons laissé le narrateur de notre histoire au moment où, plongé dans un univers terrifiant en compagnie de l'inconnu qui avait frappé chez lui, il voit s'arrêter devant lui un convoi de porteurs de torches nues suivi d'un char à la bénure. Tandis que l'orige arrêtait complètement son attelage, j'ai découvert les chevaux. Je ne savais pas ce que c'était, mais si je pouvais oublier un instant que tout ceci n'était, ne pouvait être, ne devait être, qu'un carnaval ou un trucage de cinéma, il n'était que de lointains cousins de la plus noble conquête de l'homme. Une corne acérée se dressait au milieu de leur front, et quand ils ouvraient la gueule, c'était pour montrer des crocs sinistres qui ne ressemblaient en rien à la mâchoire des quelques braves canassons que j'avais déjà approchés. Les torchistes formaient maintenant une sorte de haie d'honneur de part et d'autre de la route. Ils étaient pantelants et profitaient de cet instant pour tenter de reprendre leur souffle. Je crois qu'ils se seraient bien laissés tomber à terre, n'eût été la présence de leur patron. Il m'a semblé que certains me lançaient des regards suppliants, comme s'ils voyaient en ma présence un espoir d'échapper à leur sort. Il y eut même l'un ou l'autre mouvement dans la double ligne. Un ou deux coups de fouet vinrent bien vite les rappeler à leur rôle, et ils brandirent bien haut leurs torches. L'orige bondit à terre et s'approcha de nous. L'horreur me frappa brutalement. Dans la lumière des torches, je le voyais clairement. Il n'était pas vêtu d'une combinaison en peau de bête ou taillé dans un quelconque synthétique. Aucun tailleur ne pouvait par son art obtenir cet ajustement si parfait. J'aurais dû le savoir rien qu'à regarder les muscles de l'inconnu jouer sous son vêtement. Pour le colosse, c'est un détail différent qui m'a révélé la vérité. Je ne suis pas amateur de beaux garçons, ni voyeur. Mais quand un homme nu se présente devant moi, où voulez-vous que mon regard se porte, avec discrétion si c'est possible? C'est naturel, une simple question de comparaison. On est toujours un peu curieux en ce domaine. De près, moins de 10 mètres, je voyais le sexe hirsute se balancer entre deux cuisses puissantes. J'ai détaché avec peine, je l'avoue, mon regard de ce point particulier pour détailler le colosse qui s'approchait de nous. Je voyais des muscles dignes d'un culturiste rouler à chaque pas sous ce vêtement. Non, cette peau, sa peau, et une odeur âcre de sueur plus animale qu'humaine atteignit mes narines. De mes yeux moins innocents qu'ils ne l'étaient quelques instants plus tôt, j'ai regardé l'inconnu. Vraiment regardé, comme au microscope, en quelques fractions de seconde. Elle ne portait aucun vêtement. Sa propre peau lui suffisait amplement. Un pelage d'une beauté sauvage, dont l'animalité anesthésia heureusement en moi toute velléité esthétique. Instantanément, je n'ai plus éprouvé que de la répulsion pour elle. J'avais aussi mal au ventre, de peur, surtout entouré de ces caricatures d'êtres humains, au dos zébré de coups de fouet, juste bons à éclairer le chemin pour leur seigneur. Je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un homme d'action, et je n'ai jamais pratiqué aucun art martial, et fort peu de sport en général, cherchant, du temps où j'allais à l'école, tous les prétextes pour sécher les cours de gym. Mais, nécessité faisant loi, mes muscles se sont réveillés. D'une secousse, j'ai réussi à me dégager de l'emprise de l'inconnu. On ne frappe pas une femme, même avec une fleur, me répétait-on jadis. Point de tout cela, sans hésiter, devant sa fragilité apparente, je lui envoyais une manchette dans les côtes, y mettant toute la force de mon bras. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment une femme. Surprise, elle s'est écroulée au milieu de la chaussée, entre l'orige et moi. Sans jeter le moindre regard derrière moi, je me suis mis à courir. Une course désespérée. Je n'avais guère d'espoir de la remporter, et c'était la première course que je courais vraiment. Si je ne la gagnais pas, ce serait la dernière, sauf si... Non, ça ne me disait vraiment rien de passer le reste de ma vie tout nu à porter des torches ou à faire quoi que ce fût d'autre sous la pression du fouet. J'ai concentré toute mon énergie sur un seul but, atteindre la villa pour l'idée de sécurité qu'elle représentait. La porte n'était ni épaisse, ni particulièrement solide, sans parler des larges baies vitrées qui donnaient sur le paysage agréable. Mais je sentais que c'était un barrage suffisant pour me protéger de mes poursuivants. C'est à peine si je faisais attention à eux, car la poursuite était organisée derrière moi. Les roues du char s'étaient remises à déchirer le silence nocturne de leurs crissements et des cris de douleur chez les esclaves, harcelés par la mèche brûlante de rage chez leur maître, troués la nuit. La surprise du départ m'avait donné un peu d'avance, mais derrière la course était lancée à grands coups de fouet et à grands renforts d'imprécations lancées à la volée par l'orige. Mes poumons me reprochaient cette course insensée et un vent torride me soufflait dans la gorge, tandis que mes jambes, torturées par l'effort, se faisaient de plus en plus lourdes. La lueur des torches se rapprochait, précédant de peu les sabots des coursiers. J'entendais distinctement le colosse continuer à exciter tant ses bêtes que ses torchistes, sans comprendre un seul mot de ce qu'il disait. Il hurlait dans une langue gutturale qui m'était totalement étrangère. Mais les tonalités ne trompaient pas. Ce détail me relança de l'avant. Il confirmait ce que je soupçonnais, sans encore oser le croire. Tout à coup, mon pied buta contre un obstacle et je roulai à terre. Contusionné, j'entrepris de me relever, tout en sachant que j'avais perdu trop de temps, que c'était inutile, la villa était encore trop loin. Repartant en boitillant, j'ai regardé en arrière. Les premiers porteurs de torches n'étaient plus à 20 pas. Puis, dans la lumière mouvante qui s'approchait, j'ai distingué l'obstacle qui venait de me faire chuter. Il y avait comme une marche dans la route, un espace vague, brumeux, qui séparait les pavés hexagonaux du macadam en piteux état sur lequel je venais de m'effondrer. Sans quitter mes poursuivants des yeux, j'ai fait encore quelques pas en arrière. Je les ai vus ralentis. Entre les pavés et le macadam, le sol tremblotait. On ne voyait pas distinctement la limite et la zone imprécise allait en s'élargissant. Ce dernier détail me confirmait ce dont je me doutais depuis un moment, sans avoir eu le temps d'y réfléchir. Je venais de passer quelques instants ailleurs, dans un autre monde qui n'était pourtant pas l'autre monde. On y était trop vivant. Un autre univers, momentanément en phase, qui pouvait communiquer avec le mien. L'écart qui m'avait envoyé à terre n'existait pas quand j'étais passé par là avec l'inconnu. La cohérence du lien entre les deux univers disparaissait progressivement. L'espoir me revint. Oubliant mes poursuivants si proches, j'ai repris ma course. Voici ce qui s'est passé cette nuit. Depuis, le jour s'est levé sans que j'aie pu fermer l'œil malgré ma fatigue, mes muscles endoloris et trois quarts de bouteille de cognac. Je ne peux pas être absolument certain de la réalité de ces événements. Si je me risquais à en parler autour de moi, on se lancerait de rechef dans l'analyse de mes cauchemars, pour en tirer je ne sais trop bien quelle conclusion, ou pire encore. C'est vrai que j'étais seul, c'est vrai que j'ai peut-être rêvé. Mais alors, d'où viennent ces écorchures sur mon visage ou mes mains? Et d'où viennent ces marques sur mon épaule gauche, qui virent lentement du bleu au jaune? Elles sont cinq, comme les cinq doigts d'une main. Et surtout, pourquoi l'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir en me rasant ce matin? Les éditions de l'avenir vous ont présenté L'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir d'Alain Debussy, lu par Stanley avec la participation de K00 et de Christian Martin. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est distribué sous licence Creative Commons et produit par les éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. C'était la troisième et dernière partie de « L'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir » d'Alain Lebussy, lu par Stanley K00 et Christian Martin. Vous trouverez l'enregistrement de cette nouvelle sous sa forme intégrale sur le site d'Audiocité à audiocité.net. Je vous rappelle que toutes les émissions de l'espace-temps sont disponibles sur le blog de la web radio à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.